radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Blockbuster, bonjour. Je suis Émilie, j'ai 39 ans et je voudrais vous remercier chaleureusement pour l'émission de vendredi consacrée à Madame est servie parce qu'il y a 30 ans de ça, j'étais moi-même scotchée tous les soirs sur M6 et je regardais religieusement chacun des épisodes avec ma maman et qu'aujourd'hui je les regarde de nouveau religieusement grâce au replay avec ma propre fille de 9 ans qui adore également Tony Danza et Samantha. Voilà, donc la relève est assurée. Merci beaucoup pour votre émission. Bonjour Frédéric, bonjour à toute l'équipe, j'adore votre émission, mais vendredi, là, en tout début, en lancement d'émission, j'ai rigolé tout seul dans ma voiture. Frédéric, tu dis la Porsche de Magnum. Comment ça, la Porsche de Magnum? Mais qui êtes-vous? Rendez-moi Frédéric Sigrist. Salut Blockbuster, salut Frédéric. Alors je voudrais revenir sur l'émission sur H2G2. Moi, H2G2, j'ai connu grâce à un bouquin qui s'appelle « Ne paniquez pas » de Neil Gaiman. Voilà, donc quand même un des patrons du comics, quoi. Et son bouquin, c'est sur H2G2 et Douglas Adams. Allez, des bisous, à plus. Bonjour, Blockbuster. C'est Jean, habitant de l'Ariège. Quand Frédéric parle de la Porsche de Magnum, est-ce qu'elle est dans le même garage que la Maserati de Retour vers le futur ou la fameuse deux chevaux de Colombo? Merci, c'est pour un ami. Salut Blockbuster, je voulais te remercier Frédéric pour ton coming out au sujet de l'Assassin Royal. Car voilà, j'ai 47 ans et moi non plus jusqu'à ce début d'année, je n'avais pas lu cette série de Robin Hobb. Alors merci, je me suis sentie moins seule. Longue vie à Blockbuster, c'était Sandrine de Haute-Loire. To be or not to be, not to be. J'ai une fascination pour Arnold Schwarzenegger. Oh, je sais, en général, être cinéphile, c'est vanter les prestations d'un Daniel Day-Lewis ou d'un Leonardo DiCaprio. Moi, c'est les quadriceps et les deltoïdes d'Arnold Schwarzenegger. C'est comme ça, j'y peux rien. Voilà un jeune garçon autrichien, fils d'un militaire nazi alcoolique qui lui cognait dessus, qui se met à faire le mur pour faire du culturisme, comme son idole Johnny Westmuller. Dès le départ, il annonce qu'il deviendra un des hommes les mieux bâtis du monde, ira aux États-Unis et deviendra une star de cinéma mondialement connue. À 20 ans, il devient Monsieur Univers. À 23 ans, il commence à jouer dans des films de seconde zone à Hollywood. Puis en 82, il incarne Conan dans le film de John Milius. Rendez-vous compte, il devient sûrement la plus grosse star de cinéma d'action au monde. Terminator, Predator, Total Recall, Last Action Hero, True Lies. Côté vie privée, il se marie avec Maria Shriver, la nièce du président Kennedy. Et vie publique, il deviendra gouverneur de Californie. Gouverneur ! Tu commences en faisant des tractions en Autriche et tu termines en signant les accords de Kyoto en Californie. Le plus impressionnant chez Schwarzenegger, c'est pas la taille de ses muscles, mais celle de sa détermination. Oh là là, Joaquin Phoenix, il a pris 15 kilos pour un rôle. Schwarzenegger, il a pris toute sa vie pour le sien. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Je connaissais ce type-là. Un béret vert, il était parrain. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il foutait ici? Ces salauds leur ont arraché la peau. Et pourquoi ils leur ont arraché la peau? Qu'est-ce qui s'est passé ici, Billy? C'est bizarre, Major. Il a dû y avoir une fusillade. Les mecs tiraient dans tous les sens. J'arrive pas à croire que Jim Hopper est tombé dans un piège. Je suis persuadé que non. J'ai trouvé aucune trace de pas. Ce truc-là, c'est pas cohérent. Où sont passés les autres mecs de Hopper? Y a aucune trace d'eux. On dirait qu'ils se sont volatilisés. Suivez la piste des guerrieros. Faut finir le boulot. On repart. Intervalle 5 mètres. Silence total. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. S'il y a bien un film qui symbolise la contre-culture geek, une sorte de ralliement qui fait le lien entre la cinéphilie plus classique et le cinéma de genre, c'est Predator de John McTiernan. De multiples talents, des contraintes et de minuscules accidents créatifs jumelés à un alignement des planètes parfait, ont fait de Predator un film de science-fiction sans équivalent. Pour revenir sur ce film culte, j'ai avec moi une équipe dont j'admire le travail et la plume depuis des décennies. Je suis très très fier. Rafik Djoumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes podcasteur pour Capture Mag et Total Tracks, mais aussi chroniqueur pour Arrêt sur Image. Oui. Avec nous également Julien Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma et réalisateur de magazines et documentaires pour la télévision, et vous faites également partie de l'équipe des podcasteurs de Capture Mag. Ouais. Avec nous de retour, on est ravis, Julie Le Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture et société spécialisée en jeux vidéo et cinéma. Tout à fait. Et je ne suis pas dans Capture Mag. Mais c'est précisément. Il y a des rencontres, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Alors vous pensez bien que vu le sujet, mon camarade, que dis-je, mon Nakama Dedo aurait voulu être là, mais pour l'instant il se bat dans la jungle du Festival Off d'Avignon, tous les jours à 19h55 au Théâtre Le Paris. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir et à l'attendre, il vous parlera de Predator. Mais nous, en attendant, justement, Predator, on y va. Mon Dieu, c'est incroyable. Je crois que c'est Hawkins. Mais où est son corps, bordel? J'en sais rien, j'ai regardé partout. Elle sait ce qui s'est passé. Que pasó, mujer? Mujer, que pasó? Que fue lo que viste? ¿Quién fue? Yo no sé. Dime, mujer. ¿Quién fue? Dime. La selva se lo llevo. ¿Qué? Yo no sé, yo no estoy segura, no sé. Elle dit que la forêt... Que la forêt est venue et l'a emmenée. Fouteuse. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais ce qu'elle a dit n'a pas de sens. Ça doit être ces mecs qui nous suivent. Non, ils marchent devant nous. Cette garce essaie de les rejoindre. J'aurais dû la buter. Cette femme essaie de les rejoindre. Ils sont devant nous. Pourquoi il n'a pas pris sa radio, ni ses armes? Et pourquoi cette fille s'est pas enfuie? Un extrait de Predator de John McTiernan en version française avec, vous les avez peut-être reconnus, Richard Darbois, Medondo, Anne Jolivet et également Luc Bernard. Alors, première question, Julie Le Baron, parce que je sais que quand on parle de Predator, évidemment, tous les geeks de cette planète savent de quoi on parle, mais les auditeurs de France Inter qui ne sont pas tous férus de science-fiction, je dis, c'est quoi Predator? Oh, qu'est-ce que c'est Predator? C'est le deuxième film de John McTiernan, donc même si son film précédent Nomads n'est pas exactement resté dans les annales, qui est donc, pour résumer, un très bon film d'action des années 80, qui en plus va complètement lancer la carrière de McTiernan, qui va complètement s'illustrer dans le cinéma d'action plus tard avec Die Hard notamment, qui met en scène Piège de cristal, bien sûr, qui non content de mettre en scène Arnold Schwarzenegger, mais aussi tout un troupeau de brutes épaisses qui sont tous absolument faramineux dans leur rôle et donc les met place à une créature extraterrestre surpuissante, lourdement armée, quand bien même on n'imagine pas vraiment au début du film qu'on va tomber en fait dans du passage du film d'action à de l'horreur pure, parce que ce que c'est Predator à la base, c'est vraiment donc des commandos qui viennent faire une mission dans une jungle guatémaltèque et qui sont parfaitement à l'aise dans cet élément et se retrouvent donc face à une force qui les dépasse. Et comment est né ce projet qui, sur le papier, semble être vraiment un projet un peu bis, c'est-à-dire on va mettre G.I. Joe contre des aliens dans une jungle, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, Rafik Djoumi. En fait, c'est né d'une déclaration qui avait été faite à la sortie de Rocky IV, qui était cette idée que Stallone n'avait plus d'ennemis à sa mesure, autre qu'un alien. Et donc la légende veut que Jim et John Thomas, donc les scénaristes, ont pris la chose à la lettre, en fait, pour écrire un film qui mettrait en scène un des deux, hein, que ce soit Arnold ou Sly, en prise avec un extraterrestre. Ce qu'ils n'ont pas forcément dit à l'époque, c'est qu'ils ont probablement revu un film d'Errol Flynn qui s'appelle Aventure en Birmanie, réalisé par Raoul Walsh, dans lequel l'équipe est prise en chasse par des ennemis. Alors, c'est un ennemi japonais dans Aventure en Birmanie, mais qui a la capacité de vraiment les attaquer en restant invisibles dans la forêt. Donc, ils sont vraiment pris au piège de cette jungle. Et donc, cette idée, effectivement, d'un commando qui est parachuté par-delà les troupes ennemies, qui remplit sa mission et qui, de retour de sa mission, en fait, est attaqué par cet ennemi invisible, bah, il suffisait de mettre un alien à la place de ces japonais commandos. Jim et John Thomas, qui n'ont pas fait que des chefs-d'œuvre ensuite dans leur carrière, hein, on leur donne notamment Wild Wild West, si je me souviens bien, et aussi en Territoire Ennemi, un autre grand film, Julien Dupuis. Est-ce que je suis vraiment obligé pour mon premier de connaître ce vilain film tout pourri? C'est ce qu'on appelle un baptême du feu. Non, mais je pense que le truc, en fait, ce qui est intéressant avec Predator, je vais surfer pour aller ailleurs, Monsieur Sigri, si vous le permettez. Mais il est très fort, Non, mais parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à la base, il y a un principe, un pitch qui aurait pu être très basique. Et en fait, toute l'histoire de Predator, c'est que parce qu'il y a des grands talents qui sont à l'intérieur du film, donc Arnold Schwarzenegger évidemment, mais aussi le réalisateur John McTiernan, qui est, c'est vrai, comme l'a dit Julie, c'est illustré dans le cinéma d'action, on pourrait dire testostéroné, pour aller vite, tu vois, des années 80 et 90, mais c'est un érudit. C'est pas du tout quelqu'un qui vient du blockbuster, c'est un fan de la nouvelle vague, c'est quelqu'un qui est un grand lecteur, et qui va élever en fait le propos. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on commence comme ça, qu'on commence comme une espèce de super commando, mais déjà lui il va détourner ça, c'est-à-dire qu'il va mettre dans le film des scènes qui sont pratiquement de la parodie en fait de ce qui est tout ce qu'ont tous ces films-là, Rambo 2, Commando, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène où le rapport aux armes. Voilà, notamment lui parler de la pornographie en fait, de la violence et des armes à feu, et c'est vraiment filmé comme ça en fait. Oui, la fameuse scène Contact où il rase une forêt. Complètement. Et en fait, qui était une sorte de réaction épidermique au producteur qui disait toujours il faut rajouter des armes, plus d'armes, plus d'armes. Vous en voulez des armes ? Eh ben, vous allez en avoir. Tout simplement une réaction épidermique à ce qui est en train de se passer, quoi. McTiernan, lui, ce qui l'intéresse, à mon avis, dans Predator, c'est d'une part de casser cette figure là. Masculine là, et de l'amener ailleurs, et sur des références. Alors, Rafik a parlé d'Aventure en Birmanie, mais on peut aussi citer les chasses du comte Zaroff, on peut citer King Kong aussi. King Kong, c'est un film qui est très formateur pour McTiernan, c'est un film qui citait aussi pour une autre de ses réalisations qui est Last Action Hero, qui est donc de pousser en gros l'humain dans ses derniers retranchements, de l'entraîner au cœur de la nature, de la jungle primitive, pour lui faire renouer en fait avec tout ce qui fait ses instincts primaires, tout ce qui fait de lui une bête qui va vouloir survivre. Et d'ailleurs, Julie Le Baron, quand on regarde Predator, il y a quelque chose qui est assez frappant, et vraiment c'est un film qui supporte très très bien le revisionnage, c'est qu'on commence avec une mise en scène qui est assez proche des canons de l'époque, film d'action, avec voilà, quand ils attaquent le village, on est presque dans un truc un peu agence touriste, portée disparue. Ouais. Et en fait, le film évolue et tout d'un coup, on a des plans larges et il devient presque muet, presque expressionniste. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Même l'angle du film change au fur et à mesure de son avancée. Oui, et c'est vrai que c'est ce point de bascule qui, pour moi, fait que Predator est un très très grand film. Enfin, vraiment, je pense. On parlait tout à l'heure, enfin Julien parlait du côté ultra testostéroné, mais il y a une maîtrise aussi en fait dans cette apparition de ces personnages. On a quand même un casting complètement taré. Donc en dehors de Schwarzy, on a Carl Weathers, donc Apollo Creed, on a Bill Duke. On a vraiment un casting assez imposant. Et Shane moi, Black. L'image, oui, Shane Black. Alors lui, pour le coup, je le mets pas dans même rangée. Alors c'est intéressant à signaler parce que c'est vrai que lui, donc avait fait le scénario de L'Arme Fatale un peu plus tôt et avait été embauché sciemment donc pour être dans un rôle secondaire, mais aussi pour pouvoir réécrire des répliques si le besoin se présentait une fois le tournage entamé. Mais c'est une grosse image qui moi me reste en tête de Predator, c'est vraiment celle de la poignée de main ultra virile entre avec Schwarzy, des muscles qui n'existent pas. Ouais. C'est ça, et des veines saillantes. C'est de la parodie quasiment, non, Julie ? C'est de la parodie, ouais. Et comme l'a expliqué le monteur Mark Elfrisch, c'est totalement voulu de la part de McTiernan, justement, pour qu'on prenne d'autant plus de plaisir à voir ces figures-là se faire déstabiliser ensuite. Rafik Djoumi ? Oui, c'est bien de rappeler effectivement le contexte dans lequel le film sort. T'as cité déjà Commando, le contrat, etc. Je sais pas si c'est le moment de faire mon mea culpa, mais ou en tout cas mon coming out. Mais moi, quand j'ai découvert le film, à l'époque, j'y suis allé avec ses ornières, hein, c'est-à-dire j'allais me taper un film de gros musculeux et je me suis fermé à toutes les propositions du film. Donc je l'avoue aujourd'hui publiquement, je n'ai pas aimé Predator la première fois que j'ai découvert le film. Il m'a fallu. C'est très beau ce qui est en train de se passer. L'année suivante où j'ai découvert Piège de cristal, où là je me suis pris un missile thermonucléaire en pleine face en me disant c'est pas possible, c'est le réalisateur de Predator qui a fait ça, et j'ai revu le film avec le chef-d'œuvre Piège de cristal en tête, et tout ce qui m'avait plu dans Piège de cristal était déjà là en germe dans Predator, et mes yeux n'avaient pas voulu le voir. C'est-à-dire c'est un film qu'on peut consommer effectivement comme un un gros truc d'action 80s un peu faisandé, ou bien plonger dans la proposition du réalisateur. Alors, Julien l'a cité, mais à l'époque déjà, en interview, il avait cité Antonin Artaud et sa théorie du cerveau reptilien. Donc oui. Lui savait très bien dans quelle direction il allait. Et l'idée, c'était progressivement de débarrasser le film de tous ses atours à la Chuck Norris, on va dire, pour plonger comme ça dans ce retour au primordial. Donc, c'est pour ça que le final de Predator, c'est Piège de cristal avant l'heure. Quoi. Alors, j'ai remarqué qu'en 6 ans, j'ai jamais vraiment traité les grands compositeurs de musique de film, mais ça va changer ici et maintenant. Right here, right now. On va commencer en écoutant le thème mythique de Predator composé par Alan Silvestri. Le thème de Predator d'Alan Silvestri dans Blockbuster sur France Inter. Sergent, c'était qui ces types ? J'en sais rien. J'ai vu un mec en tenue camouflée, je crois. Je le voyais. Et puis ses yeux ont disparu. Répète ça. Oui, ses yeux, ils ont disparu. Mais il y a une chose que je sais. Je l'avais droit devant moi quand j'ai tiré. J'ai balancé facile 200 cartouches en pleine gueule. Le paquet. Et rien. Faut qu'il soit surnaturel, sinon je l'aurais eu. J'étais presque à bout portant. Mac, fais la première garde. Et ensuite repose-toi, ok? Ok. Interroge-la. Qu'est-ce qu'elle a vu, cette fille? Qu'est-ce qui est arrivé à Hawkins? Allez, interroge-la. Que passe au Morer? Que fue lo que viste? Te dije lo que sé. Fue la selva que se lo llevo. ¿Qué más quieres que te diga? C'est toujours la même connerie. La forêt est venue et l'a emmenée. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai la pétoche, Poncho. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Rafik Djoumi, on a entendu le thème de Predator composé par Alan Silvestri. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rapport particulier qu'a eu Silvestri avec ce film ? Alors déjà, il revient de très loin, Silvestri. Il faut le rappeler que quelques années auparavant, il est sur Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir de Philippe Clair en France. Donc ce qu'il a vraiment propulsé, comme on le sait, c'est en 85, c'est la musique de Retour à le futur de Robert Zemeckis. En fait, Predator, c'est vraiment son premier film de studio. Parce que Retour à le futur, c'est un projet un peu particulier, protégé par Spielberg et tout ça. Là, c'est vraiment une commande, on va dire. Donc, pour lui, il rentre dans la cour des grands. Et Silvestri, son rapport à la musique, originellement, il est plus rythmique que mélodique. Et là, ça s'entend très clairement dans ce thème qui est un peu syncopé, dont on ne sait pas s'il est synchrone, avec des ruptures brutales, mais qui en même temps déploie une mécanique. T'as parlé de système d'horlogerie en écoutant le morceau, et c'est effectivement ça. Avec McTiernan, ils vont vraiment bosser comme des malades, parce que McTiernan a demande des choses très spécifiques au niveau du tracking, c'est-à-dire les endroits qu'on choisit, où il y a de la musique ou pas de musique. Et en fait, c'est des moments très courts. C'est-à-dire, il veut de la musique sur 10 secondes et que ça s'arrête brutalement avant que le morceau ne reprenne que 15 secondes plus tard. Donc, à l'enregistrement, ça a été une galère avec les lumières rouges et vertes qui s'allumaient et les musiciens qui essayaient de suivre ça. Mais ça veut dire aussi que le metteur en scène et le compositeur ont bien compris que tout ça fonctionne sur du rythme. Et en l'occurrence, le rythme, c'est le spectateur, c'est son pouls cardiaque, en fait, qui est en jeu. Et sans rentrer trop dans la théorie, il y a une forme, en fait, de déconstruction. On commence avec le thème qu'on a entendu, qui est très riche, et progressivement dans le film, en fait, on va perdre cette richesse pour ne plus avoir que des espèces de poussées d'instruments qui parfois peuvent presque ressembler à une bande-son, comme si c'était la forêt qui chantait. Et d'ailleurs, on a souvent des instruments un peu exotiques qui donnent l'impression que c'est des oiseaux au loin. Oui, des oiseaux, des insectes. Ou des insectes, tout à fait. Et c'est vraiment au moment de bascule du troisième acte du film, lorsque Schwarzenegger se débarrasse de tout, qu'il devient un homme nu, retour à l'état primal. Oui, d'ailleurs, il y a tous les éléments. C'est-à-dire que lui, en passant par l'eau, il est recouvert par la boue, il est éclairé à la torche, le feu, et il se balance de liane en liane pour échapper à ses têtes. Être le prédateur. On est clairement retourné chez Tarzan, oui. Les planches de Bernegard, etc. Et en fait, le moment de préparation au combat final, c'est un moment de reconstruction musicale avec un rythme très primitif et simpliste sur lequel les instruments reviennent les uns après les autres, etc. Donc, ça fait partie, encore une fois, de ce travail érudit de McTee qui recherche en fait cette sensation du primordial. En fait, il veut amener le spectateur dans cette zone très très très profondément ancrée en nous, quoi. Julien Dupuis, Predator, c'est un film qu'on qualifie de science-fiction, mais qui, en fait, à certains moments, va même lorgner du côté du fantastique et même de l'horreur pure. C'est un film, quand on le revoit aujourd'hui, je trouve qu'il est très marquant par sa violence, en fait, qui est extrêmement graphique. Ces films, on a des écorchés, on a un mec dont la poitrine explose, on a un bras coupé qui continue à tirer au sol. J'adore cet effet. Avec Carl Weathers qui le voit arriver au ralenti. Exactement. Et puis ce faux bras, il a trop de poids, il est trop bien fait, quoi. Bon, bref. Mais ceci dit, avant que tu réfléchisses aux effets spéciaux, tu te dis ouais, c'est quand même dégueulasse, quoi. Mais c'est même à la fin, moi je trouve qu'il y a un truc. Mais je pense. Personnellement, je rattacherais ça au côté extrêmement viscéral et primal en fait du film. C'est-à-dire que je trouve que alors on spoil ou pas, on peut spoiler, mais tout ce qui arrive au Predator par exemple à la fin, c'est douloureux. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est en train de souffrir lui aussi, que la bestiole elle passe pas un bon moment, quoi, avec Schwarzenegger. Et je trouve que voilà, ça revient au côté de on est fait de chair et de sang en fait. Mais d'ailleurs, il y a cette phrase, s'il saigne, il peut mourir. Ouais, bien sûr, voilà. Il est devenu hyper culte. Oui, quoi, qui a été repris et même des fois déformé par Zack Snyder. Can you bleed? Bref, voilà, c'était voilà. Mais j'ai vu la référence. Je recommande sur YouTube une comédie musicale. Enfin, ça s'appelle Predator the Musical, et ce qui est entièrement construit autour de cette réplique. Ils ont refait une chanson à la Disney. If it bleeds, we can climb. Et Julie Le Baron, vous parliez de ce casting. C'est vrai que on a un casting de forte tête, et notamment Arnold Schwarzenegger qu'on a souvent souvent présenté comme un acteur avec un jeu plutôt limité. Et là, je ne sais pas si c'est une lecture personnelle, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'entre Conan le Barbare, Predator et même Terminator, on a un acteur, certes, qui n'est pas le meilleur interprète du monde au niveau dialogue, mais en termes de composition physique... sur les trois performances, c'est une démarche différente, un corps différent. Et on a fait une émission la semaine dernière sur Pierre Richard. Je trouve que Arnold Schwarzenegger a quelque chose de l'ordre de la physicalité cinématographique pure que peu de gens en fait. Ah, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que ce serait un peu injuste de réduire Schwarzenegger à un tas de muscles, parce que lui-même, en fait, était pas spécialement intéressé par le script quand il était dans sa forme originelle, c'est-à-dire vraiment une espèce de Rocky contre Alien, pour vraiment résumer le truc grossièrement. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment aussi le côté camaraderie, en fait, avec les commandos. Et quand le film s'est plus dirigé vers cet angle-là, qu'il a commencé à s'y intéresser. Et par rapport à la préparation physique, c'est assez fou, en fait, de regarder, en fait, les documentaires qui ont été faits à l'époque pour voir dans quelles conditions ces types-là travaillaient. Donc c'était des entraînements ultra drastiques dans des conditions. Ils étaient dans une jungle au Mexique qui ne plaisait pas beaucoup à McTiernan, parce qu'elle était, lui, il imaginait vraiment une jungle luxuriante, verte, et il se retrouve dans une espèce de jungle marron avec les feuilles tombées des arbres. Il y a même des images où on voit des membres de l'équipe littéralement recoller des feuilles sur les arbres. Il arrive heureusement à négocier pour arriver sur la côte caribéenne, donc toujours au Mexique, mais dans une jungle un peu plus qui correspond beaucoup plus à ses attentes. Et dans cette jungle, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des sangsues, et toute l'équipe se retrouve à donc devoir composer avec ça, et particulièrement Schwarzenegger, bien sûr, parce que c'est quand même lui le héros de cette histoire. Mais d'ailleurs, il est tombé malade. Parfois les températures étaient assez froides, donc il tenait à l'alcool, donc il finissait ivre. c'était pas les situations les plus idéales. Et ce que disait Kevin Peter Hall, donc qui lui incarne le Predator, c'est que c'était pas juste un film pour l'équipe et toutes les personnes qui étaient impliquées dans le tournage, c'était une histoire de survie pour tout le monde. Oui, et d'ailleurs cette perte de poids, elle est même visible à l'écran. J'ai oublié de préciser que bien sûr ils ont tous eu la tourista et donc perdu énormément sauf, de poids. Sauf McTiernan qui mangeait que des boîtes de conserve. C'est vrai. ou qui ne mangeait pas, qui a perdu pas, aussi énormément de poids pendant le tournage du coup quoi. Et c'est vrai que du coup il est hyper émacié. Moi je sais que le dernier plan de Schwarzy dans l'hélico là à la fin. Je crois que j'ai jamais vu comme ça en fait. Ouais. Il a un regard, moi je trouve qui sert le film en plus. Mais exactement, et en plus je trouve que ça donne. Predator n'a pas forcément une happy end, c'est-à-dire que il a cette silhouette un petit peu héroïque à la toute fin, mais en même temps ce dernier plan quand il est dans l'hélico, enfin avant dernier plan, il a perdu un peu tous ses. Mais c'est ça, mais je l'ai jamais vu comme ça en fait. Schwarzy, c'est un mec complètement, tu te dis, il est brisé quoi, l'homme, il reviendra plus quoi, c'est fini là. Il a le regard perdu, ils le referont pas venir d'ailleurs pour les suite, et tant mieux, parce tant que mieux. Oui, tant mieux. Me dis, ouais, Dutch, il est fini, quoi. Il est fini. Il est resté au Mexique, dans il doit être en train de se saouler dans un bar, pour moi, c'est ça, quoi. Je veux pas revoir combattre le Predator. Un journaliste à l'époque, Bernard Lehoux, qui avait constaté que le film lui faisait penser à la BD Sergent Rock, et en fait, c'était quelques années avant que Joel Silver, le producteur du film, ne souhaite adapter littéralement Sergent Rock avec Schwarzenegger, mais finalement, effectivement, Predator est le plus proche qu'on aura eu de cette BD, de ce personnage. On va continuer d'évoquer ce chef-d'œuvre qui est Predator, mais pour le moment, on va réécouter un grand artiste qui nous a quittés il y a peu, Arnaud, avec La Vérité. Je vais me marier avec le vent. Je prends le soleil comme mon amant. Avec les nuages, je danse le French cancan. Mais le vendredi, le tango samba. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé, elle n'existe plus. La vie aujourd'hui, elle est plus importante. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Oh. passé, elle n'existe plus. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Un grand merci à Valentine Chedebois pour ce morceau d'Arnaud, La Vérité. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Nous revoilà, mon frère. Juste toi et moi. Comme là-bas, hein, la forêt, la lune. Et puis la merde cette nuit-là, tu te rappelles? Tout le peloton, 32 mecs qui passent à la moulinette. Mais on s'en sort juste toi et moi. Il n'y a plus que nous. Et on les a bien eus. Sans rien du tout, sans une putain d'égratignure. Tu sais, le mec qui t'a descendu. Il va se repointer ici et je vais lui tatouer ton nom sur le ventre avec mon couteau. Je vais lui tatouer ton nom sur le ventre, tu m'entends? Le grand Bill Duke. Justement, Rafik Djoumi, parlons de ce casting au sein de ce film, parce que c'était des personnalités, on l'a dit, mais il y a notamment Jesse Ventura. Alors pour ceux qui ont vu Predator mais qui ne savent pas de qui je parle, c'est celui qui porte la grosse Gatling, tu sais, il a cette mitrailleuse énorme et qui chique du tabac tout du long. Et ben lui aussi, il est devenu gouverneur aux États-Unis. Bah oui, bah on s'en fait pas, c'est l'Amérique, hein. Donc effectivement avec un rôle pareil de gros bras triomphant. Voilà, je sais pas exactement quelles étaient ses positions politiques, mais ouais, on peut imaginer qu'elle rentrait pas dans la subtilité non plus, quoi. Donc c'est vrai que dans le même film, t'as quand même deux gouverneurs des États-Unis. Ouais, tout à fait. Mais je pense, enfin, le casting est d'autant plus brillant qu'il est traité d'une façon que déjà à l'époque avait disparu, qui en fait renvoie à ce que Robert Aldrich avait fait effectivement dans Les Douze Salopards et ses films des années 60. Effectivement, il faut le dire, oui, d'une virilité excessive qui ne se cache absolument pas. Enfin, c'en est presque à un point où c'est, comment dire, on a l'impression de voir des gamins de 12 ans jouer à être des grands garçons, quoi. C'est plaisant. Moi, j'adore ça. Oui, moi aussi. Julie Le Baron est aussi, il y a aussi Sonny Landham, l'Indien, Billy. Qui logiquement n'a jamais peur et qui avait un garde du corps, non pas pour être protégé, mais pour protéger le reste du casting de lui-même. C'est ça, parce qu'apparemment il avait cette réputation d'être un type qui pouvait avoir ses petits excès de colère, et puis au vu de sa stature, effectivement, c'est pas le genre de personne à qui j'irais naturellement chercher des crosses. Mais en tout cas, se dire oui que c'en était au stade où l'équipe de production s'est dit que c'était nécessaire, c'est voilà. Mais ça doit être bizarre quand même sur le plateau d'avoir quelqu'un qui est tout le temps surveillé par un garde du corps qui dit je reste à côté de vous parce qu'on sait jamais comment il peut partir en rue. De ce que j'ai compris, le mec était un peu un voyou. Oui, pardon, mais le mec était un peu un voyou, quoi. Mais je pense aussi que ça instaurait, c'est aussi la marque des grands réalisateurs, c'est-à-dire de savoir instaurer une ambiance sur le plateau qui peut nourrir le contenu du film. C'est-à-dire que tu mets tous ces gros mecs là, enfin gros biscotto mecs, quoi, ensemble, bah forcément ils vont se tirer la bourre tout le temps, et apparemment c'était le cas, c'est-à-dire c'était à qui allait courir le plus le matin, qui allait fumer le plus de cigares, qui allait le plus picoler et tout. Et il se surprenait, disait Schwarzenegger, il se surprenait à 3h du matin en train de faire de la muscu. Oui, en fait. Continuer de faire la muscu, exactement. Pour continuer d'avoir les rotopes. Bah voilà, pour plus de muscles possible. Mais... Et je trouve que cette émulsion de groupe en fait se ressent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ont une tension entre eux. Déjà il y a un esprit de accord qui est évident. Je trouve quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont copains depuis effectivement très longtemps. Mine de rien, c'est de la construction de personnages aussi. C'est-à-dire que derrière la caricature, derrière les gros mecs et tout, il y a encore une fois du fond, il y a un truc qui fait sens en fait là-dedans, même si c'est pas dit littéralement, quoi. Mais voilà. Et donc il y a un truc qui fait corps. Et puis effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un truc finalement assez enfantin. C'est un truc qui va se retourner aussi contre eux au bout d'un moment. La scène de Bill Duke que vous venez de diffuser, à ce moment-là, il est extrêmement fragile, en fait. C'est presque un enfant perdu. Moi, j'adore le parcours de ce personnage dans le film. C'est-à-dire qu'il commence, le mec, tu te dis, il va égorger 10 000 personnes en même temps, quoi. Et il finit, il est en train de pleurer parce que son ami est mort. Et c'est étonnant, enfin, c'est un truc que tu n'avais pas l'habitude de voir. Encore une fois, Schwarzy, il sortait de Commando, quoi. Mais de toute façon, il y a cet aspect dans Predator de la créature comme incarnation d'une forme d'humilité, de la masculinité. C'est-à-dire, vous avez beau avoir des grosses armes, vous avez beau avoir des gros muscles, je vais vous calmer. Ça les dépasse, ça. En fait. C'est ça le truc. C'est là où le surnaturel a un poids, en fait. Ça les réduit à leur condition d'être humain. Est-ce que c'est un film existentiel? C'est un film existentiel à fond. Alors moi, je suis complètement là-dessus. Alors Hollywood a longtemps essayé de retrouver la magie de Predator, mais les suites de ce film, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Shane Black faisait partie du casting du premier Predator. Donc allez, ça lui donnait une certaine légitimité à continuer la franchise. On était en droit d'attendre un bon film. Et malheureusement, le résultat est un massacre. Tu as fait la chapelle Sixtine de l'erreur. Tu es le Michelangelo de tout ce qui est à ne pas faire dans un film quand tu fais une suite. C'est prodigieux. Tu es un génie, Shane Black. Félicitations. Alors c'est vrai, au vu de la bande-annonce, j'étais un petit peu sceptique et je craignais que le film soit une comédie. Et c'est bien ce qu'est le film, malheureusement, une putain de comédie. Ça va s'arrêter quand cette mode à la con de massacrer des figures mythologiques de la pop culture sur l'autel du cynisme? Qu'est-ce que c'est que cette merde de désacraliser un film mythique des années 80 en sacrifiant tout le suspense, toute la tension, avec des punchlines et des blagues à tout prix? Qu'est-ce qui se passe? C'est la marvelisation du cinéma, c'est ça? On est obligé de se moquer de son propre film pour y croire? Enfin voilà, après les super-héros, après Star Wars, maintenant c'est Predator. Ça sera quoi le prochain le Terminator avec une plume dans le cul? Peut-être ça fera marrer les gens, hein, je sais pas, hein, peut-être que ça plaira. Alors, est-ce que cette détestation des suites ou de l'exploitation que Hollywood a tenté de faire de la figure du Predator ne tient pas justement au fait que on peut capturer je dirais la foudre dans une bouteille une seule fois, mais que c'est très difficile à réitérer, parce que même la genèse de cette créature, le Predator, elle est très spéciale. Le Predator tel qu'il avait été conçu initialement ne ressemblait pas à ce qu'on voit à l'écran. Alors, pour la conception du Predator, pour essayer de faire très vite en fait, parce qu'il y a beaucoup de bêtises en fait qui ont été écrites là-dessus, mais l'erreur est due en grande partie à John McTiernan en fait. Pour le coup, c'est lui qui avait commandé des designs qui n'allaient pas, et le premier artiste des effets spéciaux qui a été embauché, Steve Johnson, qui est un mec hyper talentueux, il avait fait Vampire, vous avez dit Vampire juste avant, Jack Burton, le film de John Carpenter, voilà, dans les griffes du mandarin, exactement. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un. Plus tard, il fera Blade, enfin plein de trucs super, quoi. Et Steve Johnson, à la première réunion, il dit à John McTiernan, il dit ça ne va pas fonctionner. Et McTiernan en fait reste campé sur ses positions, ils font le monstre et ça ne marche pas. Et en plus bon, alors, c'est devenu légendaire parce que c'était Jean-Claude Van Damme, qui était vraiment un débutant, qui interprétait la créature à l'époque et qui était une espèce d'accumulation de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'elle avait une espèce de silhouette que personnellement je rattacherais à des films de SF des années 50, un peu en forme d'insecte. Oui, une sorte de tortue géante. Ouais, tu compares ça à une tortue. Bah, je sais pas, il y avait une grosse carapace, une sorte d'exosquelette très bizarre. Ouais, enfin bon, moi je trouve qu'il a une des espèces de mandibule, mais pas comme, mais il est moche. Comme ouais. Le Predator définitif, il tourne un tout petit peu avec. Enfin, McTiernan panique en voyant le costume. En plus, il était sur des échasses, donc se déplacer dans la boue, dans la jungle, c'est juste pas possible, quoi. Alors qu'il... Par contre, il faisait le grand écart. Et je ne suis même pas sûr qu'il pouvait le faire, en fait. C'est ça, c'est ça qu'il était très très mal dans ce film. Et en fait, du coup, il va quand même tourner quelques plans avec ça. Il va l'envoyer au studio, McTiernan, et il va dire, voilà, est-ce que vous voulez vraiment qu'on tourne avec ça ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Ils vont dépêcher, sur les conseils d'Arnold Schwarzenegger, Stan Winston, avec qui Schwarzy avait déjà travaillé sur Terminator. Et du coup, en fait, alors ce qui va se passer, le truc qui est assez rigolo, c'est que, alors il y a plusieurs sources, a priori, il aurait vu une photo dans le bureau de Joel Silver d'un guerrier Rasta, en fait. Je choisis d'y croire. Je veux imaginer le bureau de Joel Silver avec toutes sortes d'œuvres d'art. Et enfin bref, avec ses grosses dreadlocks et tout, donc il se dit que ça peut être intéressant. Et l'idée de Sam Winston à cette époque, c'est de lui donner une bouche verticale. Et il est en train, alors l'anecdote qui tue, c'est quand même qu'il est en train de dessiner la bestiole sur un avion qui l'emmène à Tokyo pour le junket de Aliens le retour. Et à côté de lui est assis son ami James Cameron, qui regarde et il dit, ah, tu sais quoi, moi j'ai toujours rêvé de voir une bestiole avec des mandibules. Et là, en fait, il est en train de changer du coup son dessin et il fait la bestiole avec des mandibules. Et l'autre truc hallucinant sur la conception de cette créature, c'est qu'il n'avait que littéralement 2 mois pour construire ce costume. Alors ça parle peut-être pas aux auditeurs, mais c'est extrêmement court. C'est-à-dire, c'est un costume entier en mousse de latex, il faut le sculpter, mouler. C'est un enfer, quoi. Et en plus, Stan Winston, à l'époque, il a plus de personnel sous la main, donc il va donner ça. Lui, il va faire le premier dessin, il va confier ça à Steve Wong, Shannon Shee et Matt Rose, qui sont à l'époque des mecs qui sont pas très connus, qui sont très, très, très jeunes. Et les gars vont littéralement travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Steve Wong m'avait raconté qu'il avait carrément des hallucinations au bout d'un moment. C'est-à-dire que les mecs vont vraiment se pousser jusqu'au bout, quoi. Et le truc qui est du coup rigolo, c'est que ce costume fait en catastrophe va aussi le conduire à devenir culte. C'est-à-dire que l'anecdote aussi que je trouve assez marrante, c'est que la mousse de latex, le costume est conçu en mousse de latex, va rétrécir, va laisser un grand trou dans le dos. Et Steve Wong, en catastrophe, va se dire, attends, on va mettre une colonne vertébrale comme s'il avait déjà chassé une bestiole et tout. Et ça fait partie des éléments que dans les cosplays, on retrouve systématiquement, quoi. Voilà. Rafik Djoumi, votre rencontre avec le look de Predator, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit camouflé dans la jungle, on le devine plus qu'on le voit concrètement. Mais le moment où on le voit apparaître enfin avec son masque, et c'est chose rare, c'est un extraterrestre masqué, donc il y a une deuxième révélation, quel est son visage, ça a été un choc pour toute une génération. Oui, ça n'a pas été un choc pour la critique de l'époque, qui n'a pas compris quel était son vrai visage, puisque je crois que c'était une critique du Monde, hein, qui disait qu'il retire des tuyaux de ses oreilles et que ses oreilles se mettent à fumer. Et elle n'avait pas compris qu'il était en train de retirer son casque dépressurisé. Encore une fois, c'est toujours une question de mise en scène. C'est-à-dire, il y a une progressive découverte de comme on est comme les personnages du film au départ. Ce qu'on voit, c'est littéralement un costume chromé dans un palais de glace, pour reprendre la citation du scénariste. C'est-à-dire, en fait, une forme qui se déplace dans la forêt, mais qu'on n'aperçoit pas, quoi. Et c'est très progressif. Et effectivement, c'est au moment où il est blessé qu'on va commencer à découvrir des portions de lui-même. Et il faut noter d'ailleurs que cette séquence où le prédateur se soigne, c'est à l'époque aussi un clin d'œil à Rambo. De Stallone, hein. C'est-à-dire que ce qui devrait être la scène de l'humain en train de souffrir et de se soigner, elle est transférée sur l'alien. Mais c'est aussi le moment où on comprend qu'effectivement cet alien, il peut être battu. On s'approche tranquillement de la fin de cette émission. Mais avant cela, on écoute Cannibal avec Kings of the Attic. Blockbuster sur France Inter. We were the kings of the attic. Dust was flying under the heat. Blood was squirting on the fret. Under our jumpers run the sweat. Tension was strong and palpable. And we met monsters just like us. We were the kings of the attic. Of the attic. That's why the place the best player lived. His older brother was an artist. His room was extremely creepy. On the wall there was empty crap. We were the king of the attic. The king of the attic. Cannibal avec Kings of the Attic. Pourquoi veux-tu chasser ? Parce que vous pensez tous que j'en suis incapable. J'ai vu un signe dans le ciel. Je suis prête. Marowi, Nita. Quelque chose nous guette. Je viens avec toi. Il sait chasser. Moi, je sais survivre. C'était la bande-annonce de Prey, le prochain film mettant en scène un prédateur qui sera disponible sur Disney Plus le 5 août 2022 et qui opposera une Comanche, une indienne à un prédateur au 19e siècle, si je ne m'abuse, je ne suis plus sûr de la date, mais bref, ça débute le 5 août 2022 et ça me permet de vous poser une question, Julie Le Baron. Hollywood s'obstine depuis des années à vouloir remettre en scène le prédateur. On l'a vu se battre contre Alien. Il y a eu des reboots qui ont été faits, d'autres films Predator. On l'a également vu en bande dessinée, en jeu vidéo. Et pourquoi cette obstination ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout, est-ce qu'il y a une version qui a trouvé grâce à vos yeux ? Alors, pourquoi cette obstination ? Parce que parfois on a envie de reproduire une formule magique en reprenant l'élément le plus emblématique, à savoir le Predator. Et moi, honnêtement, j'ai bien aimé Predators. Je dirais pas que je l'ai autant aimé que Predator, parce qu'effectivement, c'est très dur de reproduire ce... Predator, c'est celui de Nimrod, ouais. Celui qui se passe sur une autre planète. C'est ça, qui est sorti en 2010, je crois. Ouais. Mais disons que c'est vrai que c'est très très difficile de reproduire le choc qu'on a pu avoir, enfin, donc au moment de la découverte de Predator, dans le sens où on s'attendait pas à cette bascule-là. Là, forcément, ça va être très très difficile à refaire, et je pense que la meilleure solution, c'est peut-être de faire ce que Cameron a fait après Alien, hein, c'est de faire autre chose, en tout cas pas s'obstiner à faire exactement la même chose. En termes de Alien versus Predator, est un de mes grands plaisirs coupables, parce que bien sûr que j'avais envie de voir le Xenomorph versus le Predator, évidemment. En termes de jeux vidéo, c'est une histoire très très compliquée, et je trouve ça sincèrement dommage, parce que dernièrement, il y a eu un jeu Predator développé par Ilphonic qui était dans le genre idéal. Vraiment, c'était l'horreur asymétrique, dans le sens où on va avoir un joueur qui incarne le Predator par opposition à quatre autres joueurs qui vont faire plutôt les commandos. Et ça, c'était vraiment parfait, en fait, comme idée de vraiment se retrouver en coopération à affronter une force qui nous dépasse. Mais le jeu est plutôt médiocre, malheureusement. Désolé de finir sur ce... sur cette déception. Rafik Djoumi, pensez de ces différentes versions de Predator ? Déjà, on s'obstine à oublier que le film est à l'origine un pur film d'exploitation très bas du front qui a été transcendé par ses talents. Donc déjà, la première chose, c'est déjà de se préoccuper de savoir quels sont ses talents. Parce que si on me demande est-ce qu'il y a une bonne suite qui existe à Predator, je dirais oui. Elle s'appelle Apocalypto, elle est réalisée par Mel Gibson, et pour moi, c'est le survival ultime en pleine jungle, tel que McTiernan l'avait réussi à son époque. Julien citait en début d'émission les chasses du comte Zaroff, qui est effectivement le film séminal de ce genre, qui est le film de survie. Voilà, on a eu en France même une BD qui s'appelait La quête de l'oiseau du temps, que vous connaissez probablement, et qui mettait en scène dans un de ses chapitres le Rige, qui était ce chevalier alien qui chassait sur ses terres les héros, et c'est un pur, on est déjà dans l'ambiance Predator à cette époque-là. Donc le genre n'appartient pas à Predator, c'est pas le Predator qui l'a créé, il l'a transfiguré, comme on l'a dit dans cette émission, par ses choix scéniques, et notamment son rapport, excusez-moi d'être pédant, au langage cinématographique. Predator, c'est un film où les personnages sont privés du langage pour revenir à quelque chose vraiment d'essentiel. Il n'y a pratiquement aucune réplique dans les 30 dernières minutes du film. Complètement, oui. Juste du cinéma. Voilà. Et pourtant, c'est parlant. Oui. Chaque plan nous dit mille choses. Donc il faut trouver ce miracle-là. Quoi. Julien Dupuis, il y a aussi Predator 2 avec Danny Glover. Ah, ça, c'est super. Je suis trop vieux pour ces conneries. Un héros d'action qui l'oppose à Gary Buzet, qui avec son sourire, avec plus de dents qu'un être humain n'en a normalement, qui met le Predator dans un Los Angeles poisseux, comme ça, et puis avec cette image où on voit tous ces Predators qui récompensent Danny Glover pour son courage. C'est ce qu'un... c'est un film de bourrin, hein, Predator. De moi, j'adore. Oui. Mais il y a quand même plusieurs trucs. C'est que il y a le directeur de la photo du premier, Donald McAlpine, avait été choisi par McTiernan parce que il était australien et qu'il avait une façon de bouger la caméra qui était plus sensitive, moins figée en fait que les directeurs de la photo américains. Et Stephen Hopkins, qui n'est pas australien mais qui a beaucoup travaillé en Australie avant de venir et qui à mon sens en tout cas est l'héritier en quelque sorte, en tout cas porte en lui cette énergie là dans son Freddy par exemple, c'est une évidence quoi, il avait fait Freddy 5 et retranscrit ça, c'est-à-dire que Predator 2 c'est un film extrêmement dynamique, au moins on a ça. Il y a un autre avantage aussi dans Predator 2, c'est que mine de rien ce final, cette chasse, ce face-à-face entre l'homme et la bête, entre l'homme et le prédateur, on l'a encore, et en plus dans le milieu urbain. Alors c'est plus dingue, c'est plus foufou, c'est probablement un peu plus sous influence de cocaïne et tout, quoi. Mais c'est pas grave, en fait, on oui, l'a, c'est possible. Ça. Oui, c'est très probable. Mais ça fait rien, on l'a. Et c'est un film qui est généreux, qui hésite pas, et aussi qui... Moi, je déteste, en fait, Alien versus Predator. Je me rappelle, j'étais allé sur le plateau, déjà, on sentait que c'était comme si c'était déjà une série télé. Alors, il faut préciser aux éditeurs que cette idée vient du fait que dans... Dans les comics. Dans Predator 2, voilà. On voit apparaître un crâne alien, et donc il y a un producteur qui a vu ça, qui dit oh! Ce qui est une idée apparemment, ce qui est en plus un private joke, encore une fois de Stan Winston et de son équipe en fait, qui avait aussi fait les costumes dans Predator 2. Donc c'était vraiment c'était juste pour faire la blague quoi. Et c'est vrai que il y a eu des comics chez Dark Horse, oui, si mes souvenirs sont bons, qui sont sortis et tout derrière. Et ce film, moi je trouve qu'il est hyper triste en fait. Pour moi, il y avait une genre Predator au moins. À minima, il faut que ce soit un truc vivant et qui te bouscule un peu, quoi. Faut secouer le cocotier. Moi, c'est pour ça que je défends encore le film de Shane Black, le dernier, The Predator. C'est que c'est un film qui a eu d'énormes problèmes au montage, qui a connu 10 000 fins, etc. Mais au moins, Shane Black, il secoue le truc, quoi. Et de temps en temps, il y a une noix de coco qui tombe. Quelle belle image. Non, mais en fait, il y a un truc qui nous nourrit. Ce qui, vous voyez, c'est pas simplement un pur film de franchise. Moi, je trouve tous les autres hyper tristes, en fait. Le premier Predator, ce qui est chouette, c'est que c'est en lutte avec la jungle, c'est gore, c'est extrême sur certains trucs et tout. J'ai besoin d'un film qui vit, moi. Film qui vit, je te conseille Robo War de Bruno Mattei, qui a dû être fait dans l'urgence, peut-être 6 mois après la sortie de Predator. À voir, je crois que c'est sur Nanarland, on doit pouvoir voir des extraits. Faut regarder la bande-annonce, franchement, c'est très bien. Eh bien voilà, je pense que ça peut être le mot de la fin. Mais oui, c'est parfait. Juste une dernière question, très rapide. Est-ce que vous pensez que dans le système actuel hollywoodien, on pourrait encore voir émerger une petite pépite de genre? C'est un accident, un Predator. Le film tel qu'on le connaît, qu'on l'admire, n'aurait pas dû être comme il est, en fait. Il a vraiment fallu que ses talents transcendent ce qui était déjà à l'époque un système cloisonné. Aujourd'hui, ça me semble totalement impossible. Oui, McTiernan lui-même, quand il revient sur l'héritage du film, dit lui-même, j'avais absolument pas vocation à bouleverser le paysage du film d'action. Moi, ce que je voulais faire, c'était des films que des gamins de 14 ans avaient envie de regarder. Et c'est un film qui s'est fait aussi avec des chutes et tout. C'est-à-dire qu'il y a, je vous invite à le revoir, il y a un plan de nuit, enfin dans la scène de nuit à la fin, il y a un plan du Predator qui tombe, qui est de jour en fait. Tu sens qu'ils ont récupéré des chutes à gauche à droite. Tout le final a été tourné dans un studio absolument minuscule, par exemple, le face-à-face. Donc voilà, c'est un film aussi qui a connu énormément de soucis et qui s'est un miracle. Voilà. Un petit miracle. C'est la fin de cette émission. Merci Rafik Djoumi, Julien Dupuis, Julie Lebaron. Merci également à Ludovic Asselot, à la technique, et Guillaume Roux au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. N'hésitez pas à parler de Predator ou en parler directement avec moi sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Demain, on va profiter du revival grand public que lui a offert Stranger Things, la série Netflix, pour mettre un coup de projecteur sur une artiste qu'on a envie de soutenir ici à Blockbuster, parce qu'elle a de l'avenir à mon avis, et puis parce qu'on aime les artistes indépendants et les labels obscurs. Demain, on vous parle de Kate Bush. France Inter.